régit la circulation. Sans aucun doute qui fait qu'on croise toujours des cons. Sur les routes, j'aurai votre approbation. J'en suis sûr, on est tous pareils, les cons. Prends sa voiture. C'est vrai, y'a toujours un con quelque part. Y'a ce qu'on voit venir de loin, comme ceux qui roulent en plein phare, ou ces cons sur les ronds-points. Y'en a qui vous coupent la route, paraît même qu'il y a des cons immatriculés. Et puis y'a tous ceux qui s'en foutent, des piétons qui veulent traverser. Mais moi, le plus con que je vois, eh ben c'est toi, t'es le plus rapide. Les mecs bourrés, je les calcule pas. Toi, je t'ai grillé dans ton bolide. Tu roules trop vite. C'est trop con, tu roules trop vite. Et c'est trop con, tu roules trop vite. Et c'est trop con, tu roules trop vite. Tu roules trop vite. C'est bien trop souvent depuis que j'ai appris à conduire. Chaque fois tu passes en coup de vent, chaque fois j'imagine le pire. Et je me demande si t'as plus de frein, si t'es pressé d'aller au chiottes, si t'es en cavale ou en train de faire la course avec tes potes, ou t'as de la fierté à revendre. Tu veux te prouver, t'en as dans le froc, que ta bagnole on a dans le ventre, et voir comment ça marche un pare-choc. Tu roules trop vite, et c'est trop con. C'est trop con, tu roules trop vite. Et c'est trop con, tu roules trop vite. Tu roules trop vite. Peut-être que tu te défoules, et sûrement que ça te fait marrer. Toi tu jubiles, moi j'ai les boules, quand tu déboules comme un taré. Et t'as pas eu le temps de regarder, ou t'as pas trouvé ça anormal, les fleurs qui poussent tout emballées sur le bord de la nationale. Ouais elle est relou ma chanson, pourtant je te la gueulerais bien, quand tu me colles au cul comme un con. Mais c'est trop tard, t'es déjà loin. Tu roules trop vite, et c'est trop con. Et c'est trop con, tu roules trop vite. Et c'est trop con, tu roules trop vite. Est-ce que tu veux ta vie? Je voulais t'aider à te souvenir. Si t'as la mémoire qui fuit, tu peux finir entre quatre planches, mais aussi entre quatre murs, avec un crime sur la conscience et du temps. T'aurais tout le temps de repenser à ta putain de voiture.